voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour vivre pas à pas le changement. Violaine fait partie de ces citoyens en transition. Elle se donne le temps de vivre la vie qu'elle s'est choisie. Violaine passe une grande partie de son temps à apprendre et expérimenter, ce qui l'amènera vers plus d'autonomie. Vivre simplement et avec le moins d'argent possible lui correspond bien. Et pour y arriver, elle développe l'économie du don. Rencontre avec Violaine et son fils Florian. Bah tiens Florian, raconte-moi un peu ce qu'on voit autour de nous. Décris-moi la pièce. C'est le salon. Et qu'est-ce qu'on y trouve ? Des fourneaux, des meubles, un rocking chair, des assises. Violaine, je vais pas te demander de me décrire ton espace intérieur, mais je vais plutôt me demander de te présenter. Comment tu te définirais ? Qui est Violaine aujourd'hui ? Intéressant comme question. On va dire que je suis quelqu'un qui suis en quête de cohérence et qui essaye en fait de matérialiser ses idées, justement dans la matière, en fait de faire descendre toutes les belles théories dans la pratique, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut le dire. Et bien disons qu'au départ j'ai eu un cursus, on va dire, relativement standard au niveau, de l'appréhension de la vie, mais il y avait un mal-être, il y avait quelque chose qui allait pas, le fond n'était, il y avait quelque chose qui me chagrinait un peu, et plus le temps est passé, plus j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'incohérences dans le monde environnant. Et au bout d'un moment, à force de faire du travail sur moi, j'ai pu remarquer que ces incohérences-là, en fait, elles étaient à l'intérieur de moi-même, donc j'ai voulu me changer moi-même pour pouvoir manifester autre chose. La première chose qui m'est arrivée, c'est à 18 ans, j'adorais les animaux. Donc, quand j'allais faire du stop, je caressais les vaches, etc., etc. Il y a un moment, j'ai regardé le steak dans mon assiette, je me suis dit, c'est pas cohérent. Voilà. Donc, si je voulais être cohérente, soit je me détachais des animaux, soit je me détachais de l'alimentation carnée. Bon, j'ai fait le deuxième choix. Donc là, ça commence à 18 ans, cette recherche de cohérence. Tu commences à te rendre compte des incohérences dans lesquelles tu vis. Mais à 18 ans, entre guillemets, j'ai eu l'autorisation, vu que j'étais adulte autonome, de pouvoir poser mes choix. Avant, je ne pouvais pas les poser, vu que je dépendais de mes parents. Et après, donc, quand tu as commencé à pouvoir poser tes choix, être indépendante, vers quelle direction tu t'es dirigée ? Ben en fait, mon itinéraire est passé par le domaine de la santé. J'ai longtemps voulu, l'idée c'était le soin, etc., jusqu'au moment où on se rend compte que quand on est infirmière, il y a deux mots. Et donc après, je me suis occupée de moi-même et j'ai un peu lâché le fait de vouloir s'occuper des autres qui, souvent, est simplement pour s'oublier soi-même. Voilà. Le sujet de cette émission, c'est la simplicité volontaire, la décroissance, la sobriété heureuse. Est-ce que tu connais ces termes ? Est-ce que ça te parle ? Lequel te parlera le plus ? Je connais les termes. Le premier qui m'est venu, c'était la simplicité volontaire. Je crois que c'est Dominique Leroux qui a écrit, des livres intéressants sur le sujet, à mon goût. Et en fait, j'ai lu quelques livres qui m'ont permis de travailler, ce concept pendant... j'ai commencé en l'an 2000, en fait, ça fait une quinzaine d'années, que je me suis dit, j'ai trop, l'extérieur m'envahit et il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je suis allée de plus en plus vers de la simplicité. Et à ce concept-là, c'est joint le concept d'écologie, qui n'était pas là au départ, mais qui s'est rajouté comme une cohérence évidente à ce concept de simplicité. Comment tu me le définirais, la simplicité volontaire, c'est quoi, si tu devais l'expliquer à Florian, tiens ? La simplicité volontaire, c'est... Attends, j'ai posé la question à Florian. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, la simplicité volontaire ? Non. Et comme ça, juste en entendant le terme, ça te fait penser à quoi? Est-ce que tu arrives à deviner ce que c'est que la simplicité volontaire? Non. Ok, tu veux que maman te l'explique? Oui, je veux bien. Donc la simplicité volontaire, on est dans un monde qui, on va dire, qui a des manières de faire qui sont relativement dans tous les domaines qui sont calibrés. Et ben, on peut faire autrement en faisant moins, mais pour acquérir, pour avoir plus de confort, plus de bien-être. Un exemple, Florian. On peut travailler 35 heures semaine. C'est ce qui est normal dans notre société. Mais si on veut plus de qualité de vie, par exemple, passer plus de temps avec son enfant, avoir le temps de cuisiner ses petits plats soi-même, avoir le temps de balader en forêt quand le temps s'y prête, eh ben 35 heures de travail par semaine, ça fait peut-être trop. Donc, la simplicité, c'est travailler moins, donc avoir moins effectivement d'argent, mais avoir plus de confort de vie, plus de temps, plus de liberté quelque part. Et qu'est-ce qui t'y a amené à cette simplicité? Pourquoi t'as voulu vivre cette simplicité-là? Alors qu'on est dans un système où tout nous pousse à être plus productif, plus compétitif, à capitaliser, à travailler plus, enfin c'est complètement l'inverse des schémas autour de nous. Effectivement, mais justement, c'est ce qu'on voit partout et ça ne marche pas. Non, mais je l'ai beaucoup vu dans ma famille. Il y a eu cette capitalisation, le fait d'amasser du bien, etc., etc. Mais au final, le bien ne fait pas tant de bien que ça. Il stresse, il crée des conflits, il crée tout un tas de choses et on le voit. Et donc, on se dit, mais soit on continue dans cette voie-là et on sait qu'on va se prendre la tête dans le mur, soit on essaye autre chose. Et autre chose, il n'y en a pas beaucoup. Donc, si on ne va pas vers le plus, il faut aller vers le moins. Est-ce qu'elle a été la première pierre, la première démarche, le premier pas pour commencer à se libérer de ce qu'on a, enfin, ou de vivre plus simplement, par quoi on commence? Alors, il y a eu deux choses. Il y avait éliminer des objets de son environnement et travailler moins. Pour moi, c'était vraiment les deux axes qui continuent, là, d'ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on est relativement l'esclave de ces objets. Et plus on en a, plus on y passe de temps. Donc, on ne peut pas faire ce qui nous intéresse. Et on dit toujours « Oh, je n'ai pas le temps !» Et donc, voilà, il faut enlever des objets. Et si on n'a toujours pas le temps, il faut enlever du travail. Voilà, j'en suis arrivée à cette conclusion-là, et ça va de plus en plus dans cette... Mais alors, travailler moins, ça veut aussi dire gagner moins d'argent? Effectivement, la question c'est de quelle quantité d'argent avons-nous besoin? C'est juste ça. Alors on va s'y intéresser à l'argent finalement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, et c'est un sujet que plein de gens, ça intéresse tout le monde, on s'identifie tous à ça. Qu'est-ce que c'est déjà pour toi l'argent? Quelle est ta définition de l'argent? Qu'est-ce que tu y mets derrière ce mot-là? L'argent c'est un moyen d'échange, donc la question c'est est-ce qu'il faut réellement de l'argent ou est-ce qu'il faut les échanges pour satisfaire nos besoins? Voilà. Donc moi, je suis plutôt partisane de faire des échanges sans me focaliser sur l'argent, parce que les échanges faits dans les, on va dire, sans contrainte argent, permettent de ne pas avoir la pression qui est liée justement à ce système. Quand on est salarié, on est obligé d'avoir une certaine rentabilité, une certaine présence, etc. Quand on fait un simple échange avec des gens, ben on rend service, c'est différent. C'est différent, on n'a pas la pression, les gens sont plus contents, eux, ils exigent moins de leur côté. Et tout le monde est... Et là, on en vient à un des concepts que je trouve fantastique, c'est le concept du gagnant-gagnant. Alors qu'avec l'argent, souvent, il y a un gagnant et il y a un perdant. En général, c'était moi le perdant. C'est donc plus facile de changer de paradigme. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Concrètement et matériellement, quels sont tes besoins? Quels sont économiquement, tu as besoin de combien par mois pour vivre? Est-ce que tu arriverais à classifier un peu tes dépenses, les différents postes de dépenses mensuelles? Oui, on dirait que actuellement, hormis les aides de l'allocation logement, parce que je suis locataire, en dehors de ces aides-là, j'aurais besoin de, on va dire, 400 euros par mois dont j'ai, ben pour ma part, j'ai 100 euros qui sont assurés par le papa de mon fils. Voilà, donc pour être totalement dans le confort, c'est 300 euros par mois qu'il faudrait. J'arriverais à fonctionner avec 200, ce qui fait 50 euros par semaine, c'est pas excessif. Donc ça veut dire qu'il faut que tu travailles, ou en tout cas que tu trouves un moyen de gagner 300 euros par mois pour pouvoir vivre le quotidien que tu t'es choisi. Voilà. Alors, ok, sur ces 300 euros, ou sur les 500 euros globales, quelles sont les dépenses auxquelles tu fais face mensuellement ? Donc il y a le loyer, donc en dehors de la location, il me reste donc 80 euros à sortir personnellement. J'ai mon abonnement téléphonique, qui est d'une vingtaine d'euros. Et à côté de ça, le reste, c'est des dépenses, on va dire, aléatoires, qui dépendent de ma consommation. Donc il y a le chauffage, où la plupart du temps, j'arrive donc à me chauffer grâce à soit des échanges, soit des récupérations de bois. Ici, donc, il n'y a pas d'abonnement électricité, donc ça règle déjà un problème majeur. Donc tu dis il n'y a pas d'électricité, donc ça, effectivement, là, c'est chouette, il fait jour, donc on se voit, mais la nuit, quand le soleil se couche, on ne voit plus rien chez toi. Non, non, non. Y a deux options. Il y a l'option lampe solaire, qui éclaire relativement bien, qui sont pratiques de par l'immédiateté de la lumière qu'on peut avoir. Et à côté de ça, moi, je préfère la chaleur des lampes à huile ou des bougies. Mais voilà, il y a les deux qui permettent d'avoir une luminosité, certes pas équivalente à ce qu'on pourrait avoir en plafonnier, mais qui sont tout à fait confortables. Voilà. Pourquoi avoir fait le choix de se déconnecter du réseau ? Pour deux raisons. Alors, il y a un aspect pécunier, indéniable, et le deuxième aspect est un aspect d'autonomie. L'autonomie m'intéresse sur à peu près tous les plans, parce que je pense que tant qu'on n'est pas autonome, ou tant qu'on ne sait pas faire, ben c'est pas des vrais choix qu'on pose. Voilà. Mes achats alimentaires ont nettement évolué ces derniers temps. Je me suis intéressée aux plantes sauvages. Je manque encore de connaissances, mais j'approfondis dans le domaine. Les achats groupés, le local, faire des échanges avec des locaux, notamment des maraîchers, travail contre aliments. Et voilà, bon, y a une base qui indéniablement et passe par le système normal, on va dire. Mais le principal se fait par le biais d'échanges. Ce qui est intéressant, c'est que donc tu fais vraiment appel à deux systèmes d'échange, hein, celui qui fait appel à l'argent et puis celui qui fait appel au réseau de connaissances qu'on va se créer. Est-ce que tu arrives un peu à quantifier chacun des deux systèmes ? Quantifier, non, parce que, en fait, pour moi, les entrées d'argent, une fois qu'elles sont atteintes, je ne cherche plus à augmenter. Donc, en fait, il y a un taquet qui... Alors que les échanges, ça ne se limite pas. C'est comme la plupart du temps, en fait, y a beaucoup plus de plaisir dans les échanges. Personnellement, je trouve beaucoup de plaisir à aider les autres. Je trouve ça très valorisant. Et il y a une satisfaction d'avoir rendu service à quelqu'un qui n'a rien à voir avec le fait de se dire, voilà, j'ai travaillé une heure, j'ai eu mes 7,50 € ou mes 10 euros. Et c'est pas pareil. Voilà. Et donc, pour avoir tes 7,50 € ou tes 10 euros de l'heure, tu fais comment ? En fait, jusqu'au mois de septembre, là, je travaillais pour une association d'aide à la personne. Donc, bon, je faisais un certain nombre d'heures jusqu'à avoir la somme qui m'intéressait. Et j'ai pris une année sabbatique, là, parce que j'avais réussi à mettre un peu d'argent de côté. Donc, ce qui me permet d'envisager une notion qui me plaît beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'économie du don. Mais ça, c'est encore au-delà. Et je veux l'expérimenter cette année. Alors, vas-y, explique-moi l'économie du don. L'économie du don, le principe, c'est de ne pas compter. Le troc, c'est bien, mais on compte. J'aimerais bien en arriver à ne plus compter. Et pourquoi ? Parce que c'est pas juste. Avec un enfant, on compte pas. Pourquoi compter avec une personne âgée qui pourra pas nous rendre le service ? Mais si on pense que les choses s'harmonisent au final, eh ben on aura le service de la personne qui, ben, de la personne qui pourra nous le donner, simplement. Il y a quand même beaucoup de pensées différentes qui émergent en ce moment, et donc on arrive à trouver ces choses-là. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il suffisait souvent de le verbaliser. Et une fois qu'on l'a verbalisé, on trouve des gens qui sont capables d'échanger de la même manière. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction aussi. On peut dire ça comme ça. Voilà. Non, ça marche effectivement, parce qu'il y a pas mal de gens avec qui j'ai fait des échanges sel. Alors on a noté, on a évalué à combien de grains de sel équivalait l'échange, etc. Et au bout d'un... À la fin, quand on avait fait ça, j'ai exprimé, mais je ne suis pas contente du tout, parce que ce que tu as fait valait plus, et que je n'ai pas beaucoup de grains de sel, et puis là on se retrouve dans le système euro. Et là, la personne, elle a dit, oui, ben moi non plus, je n'ai pas envie de compter. Donc on s'est mis à plus compter. Et c'est beaucoup plus beau. Voilà. Au tout début de cet entretien, tu me parlais, je te demandais qui est Violaine. Tu me dis, j'essaie d'être le plus cohérente possible, dans une dynamique de cohérence. Sur quel point tu travailles actuellement ? En fait, je me donne un petit mot par année. Et cette année, c'est un mot un peu dur, c'est le mot esclavage. Et il y a eu d'autres mots, hein, bien plus joyeux. Mais là, ces derniers temps, c'est le mot esclavage. Et je me dis notamment, ben, pour en revenir à l'abonnement EDF, je me dis, tiens, pourquoi... Qui paye le fait, par exemple, quand je mets quand j'utilise mon robot qui mixe très bien, cette énergie-là, qui la paye au final ? De la même manière que quand vous avez un bel objet en plastique... Je les trouve pas beaux, mais... Donc, vous avez un objet en manufacturé, en plastique, qui vous revient à trois fois rien. Qui a payé la facture ? Quel est l'enfant qui l'a conçu ? Quel est le prix, je vais dire, au niveau déplacement que la planète va payer ? Quel est le prix aussi du... payé par la vendeuse dans le magasin, qui est vraiment malmené et puis qui a un salaire de misère. Je dirais, voilà, en fait, il y a de l'esclavage. Pour tout confort qu'on a, il y a un esclavage. Alors, quand c'est moi qui fais mon propre esclave, je suis d'accord. Mais rendre quelqu'un d'autre esclave de moi, je trouve pas ça normal. Et je veux être l'esclave de personne non plus. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Avant, tu disais, j'aime bien ce concept-là, changement de paradigme. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de se poser des questions sur leur mode de vie, sur leur quotidien, qui essaient de peut-être vivre autrement, consommer autrement, penser autrement. Pour tous ceux qui ont envie d'aller vers une démarche de simplicité ou de sobriété, quels seront les petits trucs, les petites astuces que tu auras envie de donner pour commencer par dépenser moins ? Regardez dans ces poubelles. Je me suis rendu compte qu'il y avait un tas de choses dans mes poubelles, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas regarder dans ses poubelles, mais c'est se rendre compte de ce qu'on jette. Donc déjà, voir ce qu'on a, ce qui est utile. À chaque fois qu'un objet rentre, alors oui, il y a une superbe technique qui est la technique des 30 jours. Quand on a un achat, quand on a la frénésie du porte-monnaie, on s'apprête à dégainer, et ben on le marque sur une liste. Et on attend 30 jours de voir si la frénésie est toujours là. En général, on ne se comprend plus pourquoi on était tellement intéressé par cet objet. Je pense même que 7 jours, ça suffit. Non oui, mais 30 jours, on a bien appuyé la chose. Voilà. Parce qu'en fait, il y a tout un travail des publicitaires pour justement nous apprendre à dégainer ce porte-monnaie. Et si on ne le dégaine pas tout de suite, là, on commence à avoir un vrai choix. Toujours l'histoire du vrai choix. Avoir moins et comment... En fait, quand on commence à dégager l'espace, on commence à bénéficier du confort. Et on a envie d'aller plus loin. Il ne faut pas en faire trop d'un coup. Un tiroir, ça suffit. Ça donne un sentiment de plénitude, d'avoir une zone qu'on a aérée. Et ça nous donne du courage pour avancer. Parce que souvent, le travail est assez titanesque, vu ce qu'on a accumulé les années précédentes. Voilà. Une dernière question, j'aime bien la poser. Est-ce que tu as des citations, une petite phrase inspirante ou une histoire que tu aimes bien ? Un monsieur disait, je ne me souviens plus de son nom, mais « Je ne suis pas assez riche pour acheter bon marché ». J'adore cette phrase. Et ça évite beaucoup, beaucoup de gaspillage. Voilà. Merci Violaine. Merci à toi. La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.